Bien, donc on va passer au débat dans la salle, juste donc pour réagir aux propos dans cette table ronde, mais aussi aux deux premières interventions. Je crois que ce qui est notamment intéressant, c'est d'avoir vu qu'il y a des paysans qui arrivent, comme ça a été dit, à changer de chemin, donc à créer de la plus de valeur ajoutée, tout en créant plus d'emplois, en préservant l'environnement, et tout en étant dans des circuits longs et en pratiquant des prix classiques. Mais aussi, ça a été dit, le problème c'est que ça reste une minorité de paysans et que les politiques publiques restent globalement impuissantes pour favoriser l'extension de ces systèmes. Je reprendrai l'expression qu'il n'y a pas de changement de paradigme. Et donc la question qui est posée dans ce débat aussi, c'est comment changer, comment favoriser nettement ces systèmes. Alors, on a vu l'importance d'une évaluation alternative, mais vous l'avez dit aussi, Philippe Barré, l'importance aussi des choix politiques. Je crois que c'est aussi la raison pour laquelle on tenait à ce que ça se tienne dans cette enceinte. Donc, voilà, je laisse maintenant la parole à la salle. Alors, je vous demanderai de veiller à des interventions, si possible, assez courtes pour qu'il y ait l'expression du plus grand nombre.